الحمد لله ذي العزة والإكرام والجلال والعظمة والعزة التي لا ترام. أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Sachez que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a envoyé sa meilleure créature Muhammad alayhi salatu wa salam après une interruption, après une longue interruption des messagers. Il a révélé avec lui le livre et la sagesse, le livre, le Coran, et la sagesse, la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invita à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et il n'a rejoint son Seigneur, et il n'a pas rejoint son Seigneur sans qu'il n'ait laissé sa communauté sur le droit chemin et le chemin clair. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé sur le chemin clair, de jour comme de nuit ne s'en écarte que celui qui est voué à la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous expliqua les bases de la foi ainsi que les caractéristiques des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua les degrés de la religion, comme cela est relaté dans le hadith de Jibril alayhi salam. Et ces degrés sont l'islam, la foi et la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam légiféra la sunna ainsi que les règles de la religion. Il expliqua l'illicite et l'illicite, yani le halal ou le haram. Et il appliqua parfaitement l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il suffit pour montrer l'honorabilité du prophète alayhi salat wa salam l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui en disant: et tu as certains comportements éminents. Et les compagnons radiallahu anhum ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont apporté ou rapporté la législation islamique. Ils ont combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que cette législation et que cet islam nous parvienne. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis comme compagnons de son prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah azza wa jal les a caractérisés de la foi complète et ils se précipitaient aux bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge, yani l'ansar, et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait leur éloge et dit alayhi salatu wa sallam: les meilleurs d'entre vous sont ceux de mon époque, yani ses compagnons. Ensuite, la génération suivante. Ensuite, la génération suivante. Et ensuite, la génération suivante. Et les pieux prédécesseurs, radiallahu anhum, ont appliqué la religion chez eux et en dehors. Ils sont un exemple pour nous dans les bonnes œuvres. Leurs biographies sont pour nous une lumière. Et celui qui suit leur chemin sera guidé. Mais celui qui en diverge sera égaré parmi les perdants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à suivre leur chemin et dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous seront voués au feu, sauf un groupe. On lui dit: quel est ce groupe, ya Rasulallah? Quel est ce groupe, au prophète d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ceux qui sont sur le chemin sur lequel moi et mes compagnons sommes. Et ce dont nous informa le prophète alayhi salatu wa sallam arriva. Et la communauté s'est divisée. Mais nous, nous devons nous accrocher au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et être véridiques pour faire partie de ce groupe sauvé du feu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: vous qui avez cru, craignez Allah azza wa jal et faites partie des véridiques. Mais chaque groupe prétend qu'il est sur la vérité et que les autres groupes sont sur le feu. Mais le fait de le dire avec la langue n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui a de la valeur, c'est de le prouver avec l'épreuve du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal nous décrit les caractéristiques de ce groupe, qu'Allah azza wa jal fasse qu'on en fasse partie. Et ceci afin d'être éclairé par la lumière d'Allah. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière n'aura aucune lumière pour s'éclairer, wal'iyadu billah. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé, et qu'ils suivent pas à pas les plus prédécesseurs, yani les compagnons et ceux qui les ont suivis de cette communauté. Allah Azza wa Jal a dit: les tout premiers croyants parmi les émigrés et l'ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis, Allah les a agréés et il l'agrée. Et les suivre, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme eux, ils l'ont adoré, lui vouer exclusivement l'adoration, invoquer Allah seul, implorer son secours seul, implorer son aide seul, caractériser Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est caractérisé et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans comment surélever Allah également des choses qui ne conviennent pas à son rang et à sa magnificence. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est le fait qu'ils s'accrochent au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et que s'ils ont une divergence sur un sujet, fidèles quelconques, ils en reviennent au Coran et à la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cramponnez-vous au câble, yani au Coran d'Allah azza wa jal, et ne divergez pas. Et il dit aussi, et si vous vous disputiez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah, au Coran et au messager, yani à la Sunna. Et ils expliquent, yani les compagnons, les plus prédécesseurs, ils expliquaient le Coran avec le Coran et la Sunna, ou avec les paroles des compagnons et de ceux qui les suivent. Allah Azza wa Jalla a dénigré ceux qui suivent les ambiguïtés et les avis des gens, et il fait l'éloge des savants qui suivent les textes et qui n'innovent pas. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'il s'accroche également au consensus des savants de cette communauté et ceux sur quoi sont d'accord les plus prédécesseurs. Et ils ne divergent pas d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a dit, et quiconque diverge d'avec le messager après que le droit chemin lui est paru et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'ils donnent leur véritable importance aux paroles et à la sunna du prophète alayhi salam, en parcourisant les hadiths, en les protégeant, en les défendant et en les appliquant, et en étant satisfaits de ce qu'ils contiennent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge entre eux, est de dire, nous avons entendu et obéi, et voilà ceux qui réussissent. Un homme vient voir Imran ibn Qusay radiallahu anhu et lui dit, je n'applique que ce qu'il y a dans le Coran. Imran lui a dit, est-ce que tu es un imbécile ou quoi? Est-ce que tu trouves dans le Coran qu'il faut faire dhuhr 4 raka'a à voix basse, et il lui énuméra la prière et la zakat, etc. Et il lui a dit, est-ce que tu trouves cela expliqué dans le Coran? Le Coran a légiféré et la Sunna explique le Coran. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'ils font des efforts pour connaître et apprendre leur religion, et qu'ils ne se satisfont pas de la parole d'un homme sans preuve du Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sans une règle qui a été légiférée par les savants reconnus comme telle de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'aller en dehors de lui, mais très peu d'entre vous se rappellent. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'ils aiment les croyants et qu'ils leur font miséricorde en les conseillant dans le bien. Et parmi les caractéristiques également de ce groupe sauvé est qu'ils sont respectueux avec les plus prédécesseurs et qu'ils les aiment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ceux qui sont venus après eux, après yani, les plus prédécesseurs, ils disent, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à eux, à nos plus prédécesseurs qui nous ont précédés. Et ce comportement est tout le contraire des gens de l'innovation qui insultent et qui maudissent et qui ne respectent pas certains compagnons qui sont les meilleurs de cette communauté. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'ils abdiquent la religion comme elle fut révélée, se basant sur les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, en invitant les gens à appliquer la religion et en réfutant ceux qui divergent avec des arguments clairs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité. Ceux qui les trompent et sont contre eux ne peuvent rien faire contre eux. Et ils seront ainsi jusqu'à ce que l'heure se lève. Et parmi les caractéristiques de ce groupe sauvé est qu'ils conseillent les musulmans pour Allah, pour son livre, pour son prophète. Ils ordonnent à obéir aux gouverneurs dans le bien et les exhortent à ne pas sortir de leur autorité tant qu'ils sont musulmans. Et ceci en divergence avec les khawarij qui rendent mécréants les gouverneurs, rendent licites les biens des gens ainsi que la vie des innocents. Et sachez que les gens d'innovation sont de deux sortes, les têtes et ceux qui suivent. Et parmi les têtes, il y a ceux qui ont fondé leur groupe avec de mauvaises intentions pour ruser et tromper l'islam et les croyants. Et d'autres ont fait ça sur de bonnes intentions, mais tous seront en perdition, sauf ceux qui se repentent. Et ceci étaient certaines caractéristiques du groupe sauvé du feu de l'enfer. Donc cramponnez-vous à ce sur quoi étaient nos plus prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, et à qui il a promis son paradis et ses délices, mort des yeux à pleines dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de diverger de la sunna du prophète alayhi wa sallam, et de ce sur quoi étaient les compagnons radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde de nouveautés, car toute innovation est égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demeure sur le droit chemin, demeure sur le droit chemin comme il t'a été ordonné, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès dans la religion, car vraiment il observe ce que vous faites. Wa sallu wa sallimu ala khayril bariyah wa azka al-bashariyah faqad amarakum Allah bidhalika faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين لهم وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم طهر اعيننا من الخيانه، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.